un pays en proie à une guerre civile depuis 3 ans. En France, le président français François Hollande a annoncé ce jeudi soir qu'il n'obligerait pas de nouveau mandat en 2017 à 5 mois de scrutin présidentiel. Et aux États-Unis d'Amérique, le président élu Donald Trump a annoncé hier qu'il allait confier la tête du Pentagone à un général à la retraite surnommé l'Enragé dans le but d'intensifier la guerre contre les djihadistes du groupe État islamique en Syrie et en Irak, compromis durant sa campagne. L'actualité internationale avec Didier Nyonzim. Au Soudan du Sud, des experts de l'ONU avertissent qu'un processus de nettoyage ethnique est en cours, un pays en proie à une guerre civile depuis 3 ans. Les enquêteurs de l'ONU signalent que la faim extrême, les viols collectifs et la destruction des villages touchent différentes régions sud-soudanaises. Selon le site web de la BBC Afrique, la chef de la délégation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui s'était rendue au Soudan du Sud explique que dans certains villages, les populations disent être prêtes à répandre le sang pour récupérer leurs terres. Yasmine Soka met en garde contre le risque de génocide, estimant que tous les éléments sont réunis. Elle souligne que la communauté internationale a l'obligation de l'empêcher. En France, le président François Hollande a annoncé ce jeudi soir qu'il n'obligerait pas de nouveau mandat en 2007 à 5 mois du scrutin présidentiel. « J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle », a déclaré le chef de l'État lors d'une allocution télévisée. Comme nous le lisons sur le site de la RFI, au pouvoir depuis mai 2012, François Hollande est devenu de plus en plus impopulaire. Son parti de gauche doit trouver désormais un candidat à l'issue des primaires qui aura lieu début janvier. De son côté, la droite a choisi l'ancien Premier ministre François Fillon pour porter les couleurs des Républicains. Aux États-Unis d'Amérique, alors qu'il effectue une tournée à travers les États-Unis pour remercier ses électeurs, Donald Trump a annoncé ce jeudi dans l'Ohio qu'il allait confier la tête du Pentagone à James Mattis, un général à la retraite surnommé l'Enragé. L'Enragé, il est excellent, a lancé le président américain élu. Celui-ci a souligné que la nomination de ce général James Mattis consiste à intensifier la guerre contre les djihadistes du groupe État islamique en Syrie et en Irak, des théâtres d'opérations que le général connaît bien, comme il avait promis lors de sa campagne présidentielle. Merci à Didier Nyonzima pour cette actualité internationale. Ainsi se referme ce journal, mais je vous en rappelle les titres. Le médiateur dans le conflit burundais, Benjamin Mkapa, compte visiter le Burundi pour échanger avec le président de la République, avec les autres acteurs dans le conflit burundais sur la poursuite du dialogue. C'est le contenu d'un communiqué sorti ce jeudi par la médiation. Et après que la Chambre basse du Parlement ait approuvé le nouveau projet de loi sur le fonctionnement de la police nationale, un projet dans lequel l'on prévoit une autonomie de gestion de la police nationale du Burundi, l'organisation Parsem estime qu'il est actuellement difficile de parler d'autonomie à de gestion de la police au moment où ce secteur est cité parmi les plus corrompus et en suivi évaluation de toutes les dépenses s'impose. Vous avez suivi Faustin Dikumana, président de la Parsem. Et en province Rumonge, environ 120 hectares de champs de maïs ont déjà été détruits par des chenilles foreuses dans la direction de l'agriculture et de l'élevage de Rumonge. Et le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage dans cette province informe qu'une demande des produits phytosanitaires contre ces chenilles a déjà été formulée au ministère de tutelle. Et voilà, à 13h14 dans les studios de la radio Isanganiro, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Aimé Toussaint Mitewoutsi pour sa parfaite collaboration technique. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.